Alors, on retrouve notre invité mystère, Julien. Qui n'est pas très mystère, finalement. Oui, finalement, Julien Claus. Bonjour, Julien. Bonjour, Doris. Alors, vous avez fait apparemment une installation dans les escaliers d'Archipel. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est, cette installation ? Alors, c'est une pièce qui s'appelle « Réflexion d'un bruit rose montant l'escalier », qui est une petite pièce sonore qui est constituée d'un haut-parleur qui est suspendu la tête en bas, donc qui est dirigé vers le sol, qui est dirigé sur un réflecteur en aluminium qui tourne très lentement et qui va renvoyer un bruit rose selon différentes incidences dans l'escalier pour le mettre... En présence, en contact avec l'architecture et avec la réverbération et l'acoustique particulière de cet espace. Moi, je suis déjà passée plusieurs fois devant et c'est vrai que je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que c'est que ça ? Et ça fait quand même un bruit assez étrange. Ouais. Oui, alors étrange. C'est donc le son qui est diffusé, c'est un bruit rose. Donc l'idée, c'était de partir d'une matière acoustique assez brute, qui est un peu dans les familles de sons de base qui sont utilisés notamment pour les tests acoustiques, pour tester les acoustiques des bâtiments. On utilise des familles de bruits colorés, comme ça, qui ont des noms plus ou moins harmonieux. Donc il y a le fameux bruit blanc, le rose, le rouge, le bleu, qui vont avoir des composantes spectrales un peu différentes. Moi, j'ai choisi le rose, donc il y a un son qui est assez médium. Et donc ce son est diffusé pas très fort, finalement, et l'idée, c'était de trouver une sorte de volume un peu juste, qui fasse que la pièce, à la fois, soit vraiment audible... même quand il y a un peu du monde et du passage dans la pièce, et qu'on puisse aller déceler tout ce qui se joue en termes de spatialisation et d'espace avec cette matière, dans la façon dont elle rencontre l'architecture. Donc le son, en fait, il va tourner dans l'espace, mais il ne tourne pas à l'endroit du haut-parleur. En fait, ce qu'on entend, ça ne sont que les réflexions. Donc on perçoit un espèce de mouvement comme ça, assez large, qui est localisé plutôt sur les parois, donc très loin de la source. Et je me demandais si le choix de cet espace, du fait d'être dans les escaliers, c'était quelque chose que tu avais... c'est quelque chose que tu as choisi toi en arrivant ici et en te disant que c'était le lieu le plus adapté, ou est-ce que c'est le directeur et la directrice qui t'ont proposé cet espace-là? Alors Marie, quand elle m'a invité, je suis venu visiter la maison du Plein Palais que je connaissais déjà. J'étais venu à Archipel en 2004. Et donc elle m'a laissé une carte blanche pour choisir un endroit. Donc on a fait le tour. Il y a pas mal d'espaces qui sont intéressants acoustiquement dans ce bâtiment. Et puis mon choix s'est porté sur la cage d'escalier. Et en fait, c'est l'espace qui m'a rappelé l'existence de cette pièce dans un carnet de croquis. C'est une pièce dont j'ai eu l'idée en 2013 en travaillant sur un autre projet pour lequel j'ai commencé à travailler avec des haut-parleurs hyperdirectionnels et des réflecteurs. Et du coup, j'avais quelque part comme ça enterré cette vieille idée qui attendait qu'il y ait un espace, qu'elle rencontre un espace pour exister. Donc c'est une pièce qui n'existait pas, que j'ai créée du coup pour Archipel. Mais c'est l'espace qui a appelé la pièce, en fait. Et donc, en voyant cet espace, justement, parce que tu parlais de la question des réverbérations, est-ce que tu pourrais un peu nous dire ce que cet espace a de particulier par rapport à ça, ou qu'est-ce qui, toi, il t'a inspiré? Parce que je sais pas comment dire, mais pour les personnes qui ne voient pas l'endroit, c'est vraiment on est dans ce très grand hall, c'est un escalier de pierre et on a vraiment d'un côté un grand mur et de l'autre côté, la je crois que la face gauche est complètement ouverte sur le hall. Oui, donc les dimensions, j'aurais du mal à les dire, mais c'est un escalier très large, c'est un hall vaste qui a le bâtiment en pierre, donc qui est de fait réverbérant par sa taille. Et l'escalier, la particularité, c'est qu'il est très ouvert sur ce hall, et que donc il va distribuer acoustiquement à la fois le haut et le bas. On a vraiment un phénomène comme ça de salle couplée. Et il y a même une ouverture dans, dans l'escalier à un endroit, un jour, qui fait que, à l'endroit où j'ai placé le réflecteur, ça va directement rebondir sur l'entrée, qui est un niveau plus bas. Donc ça projette de fait le son. Moi, je me suis mis à l'entresol. Et donc le son se retrouve simplement par la rotation de ce réflecteur, pouvoir accéder par moment en bas, par moment dans la montée, dans la partie basse pour arriver à cet entresol, la partie haute, ou à l'étage. Donc ça donne aussi une multitude de points d'écoute, ce qui est pour moi une part aussi importante de la pièce, parce que c'est une pièce qui va exister à proximité du réflecteur, qui sera l'endroit où on aura le plus de détails dans la matière et où on a donc les effets de phase et le filtrage que produit directement le réflecteur, la rotation du réflecteur. Et puis ensuite, plus on s'en éloigne et plus on a accès aussi à tout ce qui se joue au loin dans l'espace. Donc il y a une espèce de dialogue comme ça entre cette proximité, une écoute de proximité et une écoute plus distante. Et on peut construire aussi comme ça une écoute... Dans la durée, en se déplaçant dans la pièce. Moi, je me demandais si la couleur du bruit était décisive. J'imagine que oui. Et comment tu l'as choisi, en fait ? Pourquoi c'est pas un bruit blanc ? Pourquoi c'est pas un bruit brun ? Je connaissais pas le bruit bleu. Et aussi, en découle la question, est-ce que les fréquences de coupure, enfin les filtres, en quelque sorte, sur le bruit blanc sont précises et académiques ou, voilà. Alors, il est assez rose, il est rosé, ce son, à point. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la lutherie, en fait, dans ce type d'installation in situ, parce que j'arrive avec une idée et qu'il faut ensuite venir inscrire dans le bâtiment. Et donc, c'est une première étape qui est quelque chose qui pourrait s'apparenter à la construction d'un instrument, de mettre en place ce dispositif, de le faire sonner. Et puis ensuite, la partie la plus longue, c'est de l'ordre de l'accordage, en fait. C'est pour moi même plus de l'accordage que de la composition, parce que je vais m'efforcer de trouver les fréquences qui vont maximiser en fait les effets acoustiques. Et donc je les choisis pas entièrement, dans le sens où il y a des choses sur lesquelles je vais pas avoir prise, que je vais découvrir sur site. Donc le bruit rose, c'est la couleur de départ, c'est la couleur intentionnelle. Et ensuite, avec des bandes filtres, je vais faire ressortir certaines fréquences, en enlever d'autres. Donc il a globalement une typologie de bruit rose, mais c'est pas un strict bruit rose, parce qu'il a été accordé et que c'est finalement l'acoustique qui va le former. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est, parce que c'est vrai que pas tout le monde sait forcément ce que c'est qu'un bruit blanc et la différence avec le bruit rose, le bruit brun et peut-être le bruit noir. Est-ce que ça existe? Le bruit noir, ce serait peut-être celui qui n'a aucune énergie, à aucune fréquence, donc ce serait le son du vide. Peut-être on pourrait donner cette définition-là. Un bruit blanc, c'est la définition précise, c'est un son qui a la même énergie à toutes les fréquences. Et donc c'est un son qui... C'est un bruit qu'on n'entend finalement pas très souvent, qui est assez aigu. Je vais pas vous les refaire. Quoique, qui fait plutôt pshhh, comme ça. Et là où le bruit rose, c'est plus la cascade. Donc c'est un bruit qui, lui, a autant d'énergie par bande d'octaves. Et donc qui se retrouve avec beaucoup plus d'énergie dans le grave. Et voilà, c'est plus le son de la cascade. C'est un son un peu plus comme ça, plus doux aux oreilles aussi. Parfois, sur les très vieilles télés, quand tu passes un film ou une vidéo, tu as un son très très aigu. Ça, c'est un bruit blanc ? Non, le son très très aigu, c'est quand il y a des fréquences, c'est plutôt des fréquences pures. C'est pas la même chose. Non, par contre, quand tu n'as pas de signal et que tu as ce qu'on appelait la neige, qui a disparu, pas que dû au réchauffement climatique, mais aussi dû à la TNT et à la fin de l'analogie, il n'y a plus la neige à la télévision. Et la neige, c'était effectivement un bruit comme ça, un bruit statistique qui était, il me semble, plutôt quand même, plutôt un bruit coloré. Ce n'était pas vraiment un bruit blanc, il était plus filtré. Mais ça donne une bonne idée de ce que c'est qu'un bruit blanc ou à la radio, quand tu es entre deux fréquences pour les postes de radio qui ne sont encore pas automatiques et où tu peux bouger le bouton, c'est le comme ça qui... Mais c'est vrai que le bruit blanc, on retrouve à beaucoup d'endroits, effectivement, dans les vagues, tout dépend de comment c'est modelé, mais il y a beaucoup de bruit blanc, en fait. Oui, c'est une matière qui, du coup, parce qu'elle a toutes les composantes, elle a un spectre extrêmement large. Dès qu'on la met en présence d'autres choses, elle va d'une part, c'est une matière très riche qui peut être filtrée. Donc c'est souvent en synthèse soustractive aussi ce qu'on utilise comme son de départ pour en enlever de la matière, pour faire apparaître d'autres choses à l'intérieur. Et là, je ne me suis pas arrêté au bruit rose, d'ailleurs, dedans, puisque j'ai rajouté ensuite des fréquences, puisque l'idée, c'était aussi de créer un champ sonore, donc d'avoir pas uniquement quelque chose de très localisé, comme ça, mais d'avoir une composante qui soit un peu plus pervasive, qui pénètre plus l'espace et qui fasse que quelque chose reste aussi, même quand l'espace est très habité, qu'il y a du monde qui parle, etc., où là le bruit va avoir tendance un peu à disparaître. Et il reste une trame plus harmonique, du coup, qui elle a plus de robustesse dans cet espace-là et qui va définir aussi un peu plus quelle est la portée vraiment acoustique de l'œuvre. Je propose qu'on écoute un tout petit extrait, aussi difficile que ce soit de capter cette installation, puisqu'il faut la vivre en fait pour prendre la mesure acoustique de ce que ça représente. Mais voilà, un petit aperçu de ce que ça peut donner. Donc c'était un extrait d'un enregistrement de l'installation de Julien Claus dans le hall, dans les escaliers du hall de Archipel. Et donc Julien Claus qui est avec nous maintenant, et moi ça me permet de... Enfin, j'avais envie de parler un peu aussi d'autres de tes activités. Et en fait au départ, si je ne me trompe pas, Marie Janson avait invité une installation sonore collective dont tu faisais partie, qui s'appelle Radio Fischli-Weiss, qui finalement n'a pas été présentée et qui était une proposition du collectif de la radio Pinode, hein, dont tu fais partie. Et je me demandais si tu serais d'accord de nous parler un peu de Pinode, hein, et de toi, de ton implication au sein de ce collectif. Pinode est un collectif d'artistes composé de... On est maintenant une quinzaine dans le noyau. Composé de gens qui viennent de la scène du hacking, du radio art, des arts et médias, du streaming et un tout petit peu de la radio. Donc c'est beaucoup des auditeurs de radio, mais pas beaucoup des acteurs de radio. Et on s'est rencontrés autour d'un projet en 2013. C'était une réponse à un appel de Deutschland Kultur Radio et Club Transmédial pour la partie allemande et pour la partie autrichienne. C'était la radio culture autrichienne et le festival, le nom m'échappe, Festival de musique contemporaine à Graz. Et donc c'était un appel qui faisait conjointement sur les futurs de la radio. Et donc le collectif s'est constitué en fait à ce moment-là pour répondre à cet appel. Et l'idée c'était de proposer une façon de faire de la radio qui tient plus des réseaux de pair à pair, donc du peer-to-peer, que de la radio dans sa structure habituelle, à savoir sa forme pyramidale avec un émetteur et une multiplicité de récepteurs. Et là, l'idée c'était de faire de la radio sans studio ou avec en fait autant de studios que d'auditeurs. Donc il y a toujours eu une petite partie radio pirate, puisqu'on on tient à faire de l'émission FM systématiquement quand on fait des actions, puisque c'est pour nous ce qui fait qu'il y a radio, c'est qu'il y a de la FM, sinon c'est juste du streaming. Et en même temps, d'hybrider cette question de la FM et du streaming avec toutes les spécificités de ce que peut être l'écoute en ligne et qui donc une écoute sur son ordinateur. Donc déjà de joindre dans l'outil web systématiquement un chat qui fait que Pinode, en fait, c'est... parmi les différents projets de Pinode, puisqu'on fait des installations, on fait des performances, et puis est apparu quelques années plus tard une radio DAB. Donc maintenant on a une double antenne en Alsace et à Paris. Donc on est sur la radio hertzienne numérique, et ce qui nous a mis un peu le pied à l'étrier. On s'est retrouvé comme ça, pas complètement par accident, mais à faire de la radio, avec à signer des contrats avec l'ex-CSA, donc avec les administrations françaises qui régit les communications hertziennes, etc. Alors qu'on était tous dans des pratiques plutôt pirates et autres. Donc il y a eu comme ça un espèce de grand écart à gérer. Et le fond de, je crois, ce qui nous meut, c'est d'aller... donner à sentir ce que sont la spécificité du média dans ses dimensions plastiques, physiques, aussi bien pour la partie web que pour la partie hertzienne. Donc les différents projets qu'on a mis en œuvre comme ça, que ce soit via des petites P-Box qui sont des mini studios qui tiennent dans une petite Raspberry Pi, donc dans un ordinateur à 40€ qu'on peut distribuer, qui font que tout le monde à un moment peut prendre l'antenne, peut faire de la radio de chez lui, avec ou des performances où on a une performance qui s'appelle le Golem, en fait on est tous à distance et chacun reprend le son du précédent et on fait des grandes boucles de Larsen comme ça à l'échelle de l'Europe par exemple. On en a fait quelques-uns pendant le confinement, ou des pièces où on écoute des cris et on intervient comme on peut sur l'entièreté du spectre électromagnétique. Et la pièce que Marie avait invitée ici, Radio Fischenweiss, c'est une installation dont le principe consiste à créer des maillons. Chaque participant crée un maillon qui va recevoir le son du maillon précédent et le renvoyer derrière. Le son qui parcourt toute la chaîne. Donc il y a entre 10 et 15 maillons à chaque fois qui sont que des maillons de transmission du son d'une façon ou d'une autre par toutes les formes et voies possibles, en tout cas celles auxquelles on pense. Donc hertzienne, filaire, mécanique, de la transmission à travers l'eau, des solides, de la lumière. Et ce que ça donne à entendre, en fait, puisque le son qu'on écoute tout du long, c'est une voix enregistrée sans artefact qui décrit à la première personne le parcours du son dans le dispositif. Et le public se déplace avec un casque qui peut brancher à la sortie de chaque module. Donc il va entendre au départ le son qui sort d'une enceinte, puis qui part dans ce réseau, et à chaque endroit il peut entendre. Et donc ce qu'il entend en premier, c'est la façon dont le média va agir et imprimer certaines qualités au son. Voilà, donc on entend le son qui se dégrade petit à petit le long de la chaîne. Merci beaucoup. Malheureusement, on est arrivé à la fin de notre temps pour discuter de tout ça. Donc, vous pouvez écouter la radio Pinode à pinode.org. P-node.org, oui. Ah oui, pardon. P-node.org.